Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 110. De l'action des anges sur les corps. Les anges administrent les créatures corporelles. Quelle est leur puissance sur les corps? Font-ils des miracles? 1. Les anges gouvernent-ils les créatures corporelles? Dans ce monde visible, dit Saint Grégoire, rien n'est disposé sans l'intervention d'une créature invisible. Dans les choses humaines comme dans les choses physiques, il arrive généralement que la puissance particulière est régie par la puissance universelle, ainsi la puissance du bailli est gouvernée par l'autorité royale. La force d'un corps étant moins universelle que celle d'une substance spirituelle, les êtres corporels sont régis par les anges. Tel est le sentiment non seulement des saints docteurs, mais encore des philosophes qui ont reconnu l'existence des êtres spirituels. Note. Les pères de l'Église ont admis, comme les platoniciens, que divers esprits sont préposés aux différentes classes des êtres matériels. Saint Augustin va jusqu'à dire qu'il n'est nulle chose visible qui ne soit sous la présidence d'une puissance angélique. Suivant Saint Jean Damascène, le diable était une des vertus angéliques préposées à l'ordre terrestre. On peut croire, avec Origène, que des anges régissent les bêtes et président à la naissance des animaux, à l'accroissement des arbustes, des plantes et des autres choses. Comme, dans l'opinion de Saint Grégoire, tous les anges qui ont proprement pouvoir sur les démons appartiennent à l'ordre des puissances, ceux qui président aux choses corporelles sont apparemment de l'ordre des vertus, car des miracles s'opèrent de temps en temps par leur ministère. Fin de la note. 2. La matière corporelle obéit-elle aux anges à volonté? La matière corporelle n'obéit pas en tout à la volonté des bons anges, et elle obéit encore moins à celle des anges pervers. Il ne faut pas s'imaginer, disait très bien saint Augustin, que la matière de ce monde visible obéit au gré des anges rebelles. Toutes ces transformations, en effet, viennent immédiatement, non pas des anges, mais de Dieu même, ou de quelque agent corporel. Note. Notre âme étant unie à notre corps comme sa forme, il n'est pas surprenant qu'elle lui fasse subir quelques modifications au moyen de l'appétit sensitif qui est sous l'empire de la raison. Les anges n'ont pas le même avantage. Qu'ils puissent changer la matière d'une façon plus excellente que les agents corporels, en mettant en mouvement ces agents eux-mêmes, nous l'accordons. Rien n'empêche même que leur puissance n'arrive à produire, dans l'ordre naturel, certains effets que les agents corporels ne produisent point par eux-mêmes, mais il ne suit pas de là que la matière leur obéit à volonté. Le cuisinier opère par le feu, à l'aide de certains procédés de son art, des effets que le feu ne produirait pas seul, on ne dit point cependant que la matière lui obéit à volonté. Fin de la note. 3. Les corps obéissent-ils aux anges sous le rapport du mouvement local? La sagesse divine, selon la parole de saint Denis, a si bien enchaîné les êtres, qu'ils se tiennent tous par quelque extrémité, car, en y regardant de près, on voit qu'une nature inférieure touche toujours par sa partie la plus élevée à la nature qui lui est immédiatement supérieure. Or, le mouvement local est ce qu'il y a de plus parfait dans la nature corporelle, c'est par là qu'elle se rapproche le plus de la nature spirituelle. Aussi est-elle disposée pour être mue immédiatement par cette dernière, nous en avons la preuve dans notre âme même, qui communique principalement et par soi le mouvement local à notre corps. Par cette raison, Quoique la matière n'obéisse pas aux anges à volonté, on doit demeurer d'accord qu'elle leur obéit pour le mouvement local. 4. Les anges peuvent-ils faire des miracles? Dieu seul, dit le psalmiste, fait les grandes merveilles, c'est-à-dire les miracles. Psaume 135, 4. On appelle proprement miracle ce qui se fait en dehors de l'ordre de toute la nature créée. Or, comme tout ce que fait l'ange par sa propre vertu, il l'opère selon l'ordre de la nature créée, il ne fait pas de vrais miracles. Dieu seul peut faire des miracles ainsi conçus. Note. On dit parfois que les anges font des miracles, mais cette expression signifie simplement, ou que Dieu, par condescendance à leur désir, fait lui-même ses miracles, ou qu'il remplisse un ministère quelconque dans les miracles qui se font. Après tout, lorsqu'une puissance crée, inconnue de nous, produit quelque chose en dehors de l'ordre naturel à nous connu, nous pouvons dire qu'il y a miracle par rapport à nous, qui ne connaissons pas toute la vertu de la nature créée. C'est ainsi que les démons produisent, par leur puissance naturelle, des œuvres que l'on appelle miracles, et que les magiciens, agissant par leur intermédiaire, font aussi des œuvres miraculeuses pour nous. Nous disons, dans ce dernier cas, que ceux-ci agissent en vertu d'un contrat privé, parce que la justice divine répandue dans tout l'univers ressemble à la justice publique d'un État, tandis que la vertu particulière d'une puissance quelconque représente simplement l'autorité d'une personne privée. De là vient que, quand les saints font des miracles, ils les font par la justice générale, au lieu que les méchants font leurs œuvres miraculeuses par une autorité privée, qui est la puissance même du démon. Aussi les magiciens n'emploient uniquement que les symboles de la justice générale, par exemple, l'invocation extérieure du nom de Jésus, ou certaines cérémonies sacrées. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.